mardi à Assemblage requis. Je vous parle des nouveautés CD qui ont retenu mon attention. Et vous allez savoir pourquoi je vais demander à Émilie Gauthier si elle veut sortir avec moi. C'est intriguant. Assemblage requis, mardi 15h.